classe, c'est Kara. C'est facile, Usopp et Bacardi. Si on flambe, c'est parce que tous nos textes parlent. C'est facile, Usopp et Bacardi. On voit la vie, on voit le vice, on apprend et on s'arme. Ouais, rap c'est comme shit, y'a tout le monde dans le biz. Mon rap, cocaïne, n'est vendu en kilo qu'au cocaïde. Gros calibre, célèbre comme Wilson Smith, t'as pas aidé. Combien par accident, ma semence, ça fait de Bacardi. Parce que je suis un de ces merleux, un gagnant, je suis de ceux. Je vaux, j'en veux, je fous, et mon virus est venimeux. Je suis vicieux, mais le vice ici c'est eux. Flamme car le ciel, le string de ta meuf comme les keufs sont bleus. Si je flamme, c'est parce que mes couilles sont vides, pendant que les tiennes sont pleines. Que ta soeur contre ma pine alors que ma soeur te connaît à peine. Beaucoup discord des bacs, à peine mis dans les flaques, tu reconnais ma gueule. Je suis disque d'or en survêt Nike. Si je flamme, c'est parce que comme les miens, j'ai la grande gueule. Et dans le pays de Gaulle, on a la grande Gaulle. Apprécié comme Gould, royal, comme le prince de Galles, comme Indiana, j'ai la dalle. Et je vais ramener le Graal, c'est pas si Usopp et Bacardi. Si on flamme, c'est parce que tous nos textes parlent. C'est pas si Usopp et Bacardi. On voit la vie, on voit le vice, on apprend et on s'arme. C'est pas si et Bacardi. Si on flamme, c'est parce que t'as nos textes en tête. C'est pas si Usopp et Bacardi. T'es fait partout sur vos pochards, vos chaînes, vos casquettes. Mon rap pue la merde, toi tu n'es très mouche. Touchez, coulez, faites moucher les grandes bouches, bouchez-les, enfourchez les fourbes. Foutez-les dans le fossé, jetez-les. J'flamme parce que la foule s'enflamme, comme mon rap les touche. Touche, il s'apprape, faut que tu viens que je te foute mon coup de fourche. J'flamme parce que ta fouf se touche, et fredonne dans sa douche. Et puis Carlouche, viens, je t'invite, oh les bislouches. On s'associe avec les sauces, on fout du rap sur les bouches. Touchez, coulez, c'est cool, on se la coule douce. Poussez les murs, jetez vos douilles en l'air, car tous vos coups ne pourront me toucher. J'flamme toujours à jeun, y'a rien qui me gêne. Jeune gens, mon genre gêne, interpologé et gêne. Mon gang de garge, à faire truc de bar. Jamais vu en France les premiers rap JO. Tu veux savoir ce que je cache sous ma casquette? Une grosse caboche au texte carré. Je fais pas de complexe. C'est pas si Usopp et Bacardi. Si on flamme, c'est parce que tous nos textes nous parlent. C'est pas si Usopp et Bacardi. On voit la vie, on voit le vice, on apprend et on s'arme. C'est pas si Usopp et Bacardi. Si on flamme, c'est parce que t'as nos textes en tête. C'est pas si Usopp et Bacardi. T'es fait partout sur vos chaînes. Je ressens Pascal en Marie Curie. Curieux de connaître le secret de mes raptures, je suis première classe, c'est tout ça que j'hérite. XXL comme ma performance, je suis performant, perforant, en plus je suis super fort en rap. Je flanque et quand j'arrive le peuple crie. La musique est un cri et ça je l'écris en haut. Pour les go, les squales, double S et réglo. Si je flamme, c'est parce que j'ai mon ego gros comme un négro. C'est le grand jeu des nègres de la pègresse, piègre et vibore de nègre. On dégraisse même les vaches maigres, c'est nègre en le monopole. À ce qui paraît, c'est ce qui est dit d'inédit. Mais t'inquiète, ils savent qu'il y a les austères sous les dédits. De la rue descendre, la dalle au vent, être le mec qui se vante. Avec chat et classe, mec, faut pas se méprendre. Du vendredi au jeudi, je te dis, faut se faire entendre. Tout un instant, négro, et tes ennemis les pendent. C'est pas si Usopp et Bacardi. Si on flamme, c'est parce que tous nos textes nous parlent. C'est pas si Usopp et Bacardi. On voit la vie, on voit le vice, on apprend et on s'arme. C'est pas si Usopp et Bacardi. Si on flamme, c'est parce que t'as nos textes en tête. C'est pas si Usopp et Bacardi. Et fait partout sur vos pochards, vos chaînes et vos casquettes. C'est pas si Usopp et Bacardi. Si on flamme, c'est parce que tous nos textes parlent. C'est pas si Usopp et Bacardi. On voit la vie, on voit le vice, on apprend et on s'arme. C'est pas si et Bacardi. Si on flamme, c'est parce que t'as nos textes en tête. C'est pas si Usopp et Bacardi. Et fait partout sur vos pochards, vos chaînes et vos casquettes. Sur l'album de Bacardi Price.